Il est là, Mark Crosby. Alors donc 4 à 4, et là, l'attaque des Patriots sont quand même tirés au retour, et le but! Bon matin, monde, bon matin, Trois-Rivières, et bienvenue à l'Inconduite de partie, une émission qui parle de sport de partout à travers la planète, mais surtout de la Mauricie. Bon matin, messieurs. Bon matin. Bon matin, Marc-Antoine. Bon matin, Philippe. Bon matin. Oh boy. C'est quoi, je vois là ce matin? C'est un réprimand de bâillement. OK. Ouais. T'es hot de même, toi, le matin. Ouais, j'ai dit bon matin, un réprimand des bâillements. Une chance, t'es pas morning man. Là, t'es plus comme avant-midi man. Hein? Ouais, mais je pourrais même être midi man. Ah ouais, ça serait... Bon, ça ferait, oui. Ça serait déjà tôt. Toi, tu souhaites bon matin jusqu'à 7h le soir? Oui, quand c'est même. À peu près ça. Ouais, ouais, d'accord. Mon d'accord. Après-midi commence vers 9h, 10h le soir. Toute ta vie est comme un match en matinée. Exact. Alors ce matin à l'émission, on a quand même un pas pire line-up du tout. Donc on va parler de hockey junior là, et c'est officiel, les Cataractes de Shawinigan vont rencontrer le Rocket de l'île du Prince-Édouard en séries éliminatoires en première ronde. On va en parler avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. On va parler aussi de foot, Philippe. Les Ligues des Champions, les matchs sont sortis vendredi. Effectivement. J'imagine que tu vas avoir un beau petit... Petit retour sur les matchs. Retour ainsi que les futurs matchs là, de la... Des rondes, quart de finale. Est-ce qu'on touche un peu la MLS ce matin? Oui, bien sûr. Un match sublime entre Vancouver et Toronto cette semaine. Toronto qui a encore compris qu'ils sont... Ils sont pas de taille. Ils sont pas de taille. Voilà. C'est dommage parce que c'est pas toi l'équipe d'expansion. Tu serais supposé de l'emporter ce match-là. On va parler aussi du Red Bull Crash Test. On va parler de boxe. Lucien Bouté qui l'a encore emporté cette fin de semaine. On va parler de basketball, March Madness aux États-Unis qui se continue. On va analyser notre braquette, savoir comment ça va dans notre braquette. Philippe qui était premier avant d'aller en fin de semaine, donc vendredi après une première journée. Et, on va savoir si Philippe est toujours premier. Ben, du moins, j'étais premier moi aussi vendredi. On était à égalité, mais moi je vous confirme que ça a tombé. Ouais. Et donc on va aller voir, t'as ça pas là, tu m'intrigues. Ouais, avec toi j'irai voir, je pense que tu vas tomber de haut. Dommage. Ta braquette est bustée, comme on dit. Non. Oh oui. Et on va discuter bien sûr, ben on y va tout de suite avec les Patriotes de l'UQTR. C'était une immense fin de semaine pour les Patriotes de l'UQTR. Il y avait deux compétitions, donc on va commencer tout d'abord avec le volleyball. C'était le championnat provincial qui se déroulait cette fin de semaine ici même au Caps de l'UQTR. Les quatre équipes de la Ligue, c'est-à-dire l'UQAM, l'UQAC, l'UQAR et bien sûr les Pats, s'affrontaient, c'est-à-dire bon, les Pats avaient terminé premier au classement, allaient affronter l'équipe qui était classée quatrième, 2-3 aussi. Donc c'était une victoire facile de l'UQTR lors de leur premier match contre l'UQAR, une victoire de 3-0. Ça n'a pas été plus compliqué que ça dans le cas des Patriotes. Et du côté de l'autre demi-finale, l'UQAM l'a emporté contre l'UQAC 3-1. Et donc les deux des équipes qui se rendaient en finale, l'UQAM et l'UQTR, étaient à ce que bon, j'ai discuté avec les gens qui me disaient bon, c'est eux qui sont les deux favorites, les deux équipes qui sont à un niveau un peu supérieur aux autres. Et donc ça s'est terminé en finale et une victoire éclatante de l'UQTR 3-0 sur l'UQAM. Médaille d'or, bannière, on va pouvoir afficher ça un peu partout dans le Caps. Félicitations, filles, vraiment félicitations. Et j'ai vu de l'excellent volleyball en fin de semaine. Et j'ai surtout vu, messieurs, j'en discutais un peu, on reviendra là-dessus, là, mais le calibre qui se jouait là, quand même une disparité au niveau des, du calibre là aussi, là, du fait que certaines... bon, Lucar est une bonne coche en dessous de tout le monde. Entre autres, là, il y a une bonne différence, surtout entre Lucam et Lucutar, mais même Lucam n'a pas réussi à être de calibre là, dans ce match-là. Donc, félicitations, filles. On va aller écouter maintenant les commentaires par rapport à ça. Bon, ben, de l'entraîneur Claude Turcotte, c'était une première année là pour les Patriotes au volleyball depuis le retour de ce programme. On est en division 2 et je lui ai demandé si remporter cette bannière là c'était l'objectif dès le début de la saison. On va écouter ce qu'il avait à dire sur le sujet. Ben, quand j'ai vu autant de filles que ça dans le gymnase, on était 30 au camp d'entraînement. Puis avec le calibre des filles que je voyais, oui, il y en a tout le long. Moi, j'ai même à la conférence de presse du début de l'année, je savais un petit peu quelle fille allait être prise dans l'équipe. Je connaissais déjà le noyau, mais je me disais que, on travaillait pour ça. Je savais qu'elles étaient capables, ces filles-là, de finir en première position. Donc première position, une belle première position, et je pense que les filles quand ils se sont vus aller ont dû faire ouais ben gars, on a une bonne équipe, ça serait le fun de j'ai juste l'expression en anglais, mais de runner avec ça, d'y aller, on vise le titre. Et c'est ce qui est arrivé dans leur cas. Hey, d'ailleurs, au niveau des spectateurs, au niveau de la, on avait quand même une foule d'environ 120-130 personnes pour une finale de basketball. Et bon, j'en discutais avec Pierre Clermont qui me disait, écoute, c'est en haut de nos aspirations, en haut de ce qu'on voulait obtenir comme foule. Et c'était même, ça va être diffusé sur les ondes de Cogeco en différé. Je pense que c'est vendredi qui s'en vient. Donc, les gens qui n'ont jamais vu du volleyball collégial, ça peut être le temps. Une des filles qui est excellente, qui s'est mérité quelques titres de Patriot de la semaine de cette année, c'est Kim Gladue. Une quatrième année, là. Bon, c'est sa première année de volleyball ici à l'UQTR, mais c'est une quatrième année. Et je me suis entretenu avec elle. Elle a encore connu un bon match. Elle a été nommée joueuse la plus utile à son équipe. Donc, écoutons ce qu'elle avait à dire suite à ce match. On a fait fort toute l'année pour ça, c'est notre objectif depuis le début, puis c'est là qu'on voit que le travail qu'on a fait cette année a payé, puis le résultat est là, c'est génial. Quand vous avez commencé la saison, bon, c'est une nouvelle équipe, c'était une nouvelle division aussi à travers tout ça. Tu disais que bon, c'était l'objectif dès le début, mais la progression était comment à travers la saison? Mais c'est sûr qu'au départ, on savait pas quel type de position on aurait. On savait pas les autres équipes de quoi avoir l'air, qu'est-ce que le calibre de la division. Fait qu'on s'est mindé en se disant, on joue le niveau que nous, on est capable de jouer, on fait de notre mieux, puis on verra rendu là, puis après, au cours de la saison, ben là, on a vu qu'on était capable de bien performer dans cette ligue-là, mais qu'il fallait travailler fort. Il fallait continuer à s'améliorer. Il fallait trouver des nouvelles solutions pour gagner des matchs parce que les équipes s'ajustaient contre nous, donc il fallait s'ajuster nous aussi. Puis on l'a fait, puis ça a payé. Surtout ça devait être quand même une équipe qui n'avait pas beaucoup de joueurs, c'est qui sont venus pour jouer ici au volleyball. C'est toutes des filles. Dans ton cas, bon, t'es au doctorat, donc ça fait longtemps que t'es ici, tu te mets à jouer au volleyball. Comment tu vois le futur un petit peu pour cette formation-là? Ah, écoute, le futur est très, très, très encourageant. Je dirais, il y a une belle structure de volleyball en Mauricie. Comme tu dis, il n'y a pas de filles vraiment qui sont venues expressément cette année ici pour jouer au volleyball. Donc, ça signifie que les filles qui étaient déjà en Mauricie, qui viennent de nos écoles, qui viennent du Collège de Madeleine, de Trois-Rivières, de Nicolette, ben, ils ont du talent, ils ont du potentiel. Puis c'est là, puis dans les années à venir, là, avec surtout notre victoire cette année, ça va donner du rayonnement au programme de volley ici. Puis là, on va avoir des filles de l'extérieur, donc le calibre va continuer à augmenter, c'est certain. Le calibre va continuer à augmenter et t'en parlais alors que les micros étaient fermés, Marc-Antoine. Si le calibre continue à augmenter du côté du QTR, c'est à se demander, bon, est-ce qu'on est trop forte pour la division 1? Ouais. La division 2 plutôt, parce que là, on l'emporte la première année avec une équipe qui débute, une équipe qui, on en parlait, c'est pas des filles qui ont décidé de venir à l'UQTR pour jouer au volleyball. C'est des filles qui venaient déjà à l'UQTR puis qui ont fait, bon, on va jouer au volleyball, il va y avoir une équipe. Il y avait déjà, selon ce que Claude Turcotte disait, il y avait une trentaine de filles qui étaient là pour le camp d'entraînement. Ça va être quoi quand le monde va faire, hey, bon, je vais aller à l'UQTR parce que je peux étudier là, puis plus, il y a une équipe de volleyball. Ouais, plus, c'est peut-être la deuxième année que les joueurs vont jouer ensemble aussi. Ça, on développe une chimie. C'est ça. Donc, on va devenir beaucoup plus performante, devrais-je dire. Et, la question qui se pose, c'est pourquoi ne pas monter en division 1, aller rejoindre les Laval, les U2M, si je me trompe pas, il y a Bishop aussi. J'aurais tendance à dire chaque chose en son temps. Ben, pas monter trop vite nécessairement. Non, prendre le temps d'implanter le programme bien comme il faut avant de le tester avec les meilleurs. Quand même qu'on gagnerait 2-3 années de suite en division 2, là, ça fait pas de tort. Non, c'est ça. Ça va être un processus qui va se faire progressivement. Par contre, je me suis renseigné, j'ai dit, bon, je veux savoir c'est quoi la différence entre la division 1 et la division 2 au niveau du talent, au niveau de la coche. C'est quoi la coche, l'enjambée qu'il faut prendre pour aller en division 1? Et ce qu'on m'a répondu, c'est vraiment au niveau de la grosseur des filles, la grandeur des filles. C'est que les filles en division 1 sont beaucoup plus grandes, c'est l'élite. C'est des filles qui vont pouvoir bloquer les balles au filet, alors que chez les Patriotes, je pense qu'il y en avait une ou deux qui étaient capables, bon, sans trop sauter, de bloquer la balle au filet. Tandis que en division 1, ben les filles au filet, ils vont toutes pouvoir la bloquer. C'est la différence majeure, c'est ça, c'est au niveau de la grandeur. Puis au niveau de la réception de passe, ben pas réception de passe, mais la service. Réception, ouais, c'est ça, au service. Quand il y a une réception, elle s'en va, la fille qui va recevoir va l'envoyer directement où est-ce qu'elle veut l'envoyer, et non pas, bon, un peu de vouvoiement dans la relance, si je peux dire comme ça. Donc ce qui fait que c'est une question de précision puis de des petits détails, mais ce qui fait que pour l'instant les Patriotes sont en division 2 et qui sont là pour rester encore, j'ai l'impression, 2-3 ans. Après ça, comme tu dis, Philippe, ce serait à réévaluer. Parce qu'il y a 4 équipes là, division 1, Laval, Montréal, McGill et Sherbrooke. Je pensais que Bishop était là-dedans, mais je me suis trompé. Donc, on va pouvoir suivre ça là dans les prochaines années, mais c'est très, très bon comme début. D'ailleurs, en parlant des prochaines années, pourquoi pas aller s'entretenir avec Claude Turcotte? Je lui ai demandé, c'est quoi le futur là, pour cette équipe-là? Ben, le recrutement, j'en ai fait tout au long de l'année. Donc, j'ai rencontré des filles du collégial 3A, j'ai rencontré des filles du collégial 2A. Fait que, dans le fond, on continue. Puis, l'an prochain, j'ai un bon noyau qui reste aussi. Fait que ce sera de greffer des nouvelles qui vont arriver, qui vont causer des surprises peut-être, on ne sait pas. Je pense que, ben ça, c'est le cas pour toute équipe de sport universitaire. Il y a tout à des nouveaux qui peuvent venir causer des surprises. Par contre, dans une équipe où est-ce que, à sa formation cette année, comme je disais tantôt, c'était pas des filles qui sont venues ici. Je suis curieux de voir ça va être quoi le calibre qui va s'ajouter en comparaison, parce que là, si on se met à aller chercher des filles de collégial 3A, si je me trompe pas, les Diablos évoluent collégial 3A, là, je veux pas... Je veux surtout pas me tromper là-dessus. Là. Je vous dis ça dans deux petites secondes. On y retrouve FX, Garneau, Sherbrooke, Trois-Rivières. Et voilà, donc Trois-Rivières qui fait partie du collégial 3A. Les filles des Diablos qui pourraient être intéressées. Par contre, Trois-Rivières, là, c'est pas une des puissances de la Ligue. Là. On a 6 points alors qu'FX Garneau en a 32. Saison parfaite là, pour FX Garneau dans le collégial 3A chez les filles. Donc, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner l'an prochain, mais on peut s'attendre à ce qu'on répète l'exploit là, du côté des filles, sans aucun doute, pour l'an prochain. On va aller en musique, on va aller écouter un peu de We Are Wolves, Nous Sommes Loups, avec la chanson Magie. Donc, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. N'hésitez pas à nous écrire live commercial inconduitedepartie.com. On se revoit après la chanson. C'est magique, c'est seulement des magiciens. Si c'est magique, c'est que c'est... Tweet, oui, trois, hein. La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends tweet. Ouais, écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. Messieurs, on continue à parler des Patriotes. On va maintenant parler soccer, par contre, les Pats qui étaient en action hier du côté du Centre Alphonse Desjardins. On rencontrait McGill pour ce qui était la demi-finale au soccer universitaire. C'est-à-dire qu'au soccer intérieur, là, bien sûr, les filles avaient été éliminées la semaine dernière, donc il reste seulement les hommes pour sauver la mise. Et c'était un match de fou du côté du Centre Alphonse Desjardins. Je vous explique la partie, comment ça s'est déroulé. Les Patriots tirent de l'arrière 1-0. Il reste environ 10 minutes au match. Lorsque le joueur, j'ai de la misère avec son prénom, Saif Adin Dawi, c'est-à-dire que c'est un Tunisien qui s'est joint à l'équipe durant en plein milieu de saison. Qui s'est bien intégré là, donc qui a été embarqué sur le terrain, restant environ une quinzaine de minutes si je me trompe pas, était embarqué sur le terrain. Bon, vas-y, écoute, puis donne ton 100%. Il réussit à inscrire un but, donc on égale la marque 1-1. 2 minutes plus tard, par contre, cafouillage en défensive. Geoffroy Jouvin, le gardien de but, tout d'abord, c'est Vincent Guécoté qui a amorcé le match. S'est blessé à l'épaule. Il est remplacé par Philippe Gendron. Philippe Gendron réussit un arrêt magistral contre un des joueurs des Redmen. Mais malheureusement, Geoffroy Jouvin ne réussit pas à dégager la balle hors ligne. Manque son coup et on en profite là du côté des Redmen. On réussit à inscrire là, un but, donc 2-1, il reste à peu près 10 minutes plus le temps de les arrêts de jeu. Donc, ça regarde très mal, hein, Philippe, dans ces situations-là. C'est assez. Ça commence à regarder rien que d'un œil. C'est assez crève-cœur comme but. Oui. Mais 2 minutes plus tard, c'est encore Saif, comme ses coéquipiers l'appellent. Saif Edin Dawi qui réussit à inscrire un deuxième but, son deuxième du match. Donc, quand on parle de changement et de substitution qui paye là, du côté des Patriots, ça en a été toute une. On égale la marque alors qu'il reste 6 minutes de jeu. On ne réussit pas à faire un mètre en temps régulier. On doit aller en prolongation. Je te dirais même que ce deuxième but-là fait plus mal encore que le but qui a donné l'avance 2-1. On était si près du côté de Redmond, mais vu qu'il n'y a pas de prolongation, c'est-à-dire on va directement en tir de barrage, c'est un peu moins pire parce qu'en tir de barrage, on s'entend que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Là. C'est presque, on flippe c'est un 25 cents. C'est presque un pile ou face. Donc, les Patriots réussissent l'incroyable, c'est-à-dire Philippe Gendron réussit à bloquer un tir des Redmen de McGill et qui s'amène sur la ligne avec une confiance effarante pour les Redmen. C'est Geoffroy Jouvin qui a la chance de se reprendre suite à son erreur plus tôt dans le match. Il réussit de tirer. Victoire des Patriots, 3-2 en fusillade. Ils accèdent plutôt à la finale de la Ligue de soccer intérieur. On n'a jamais remporté cette finale-là du côté des Patriots. Ils vont affronter les Citadins de l'UQAM qui l'ont emporté 2-0 contre Laval. L'UQAM qui avait terminé 5e au classement alors que Laval avait terminé premier. Quand même, on avait terminé à seulement 3 points de Laval, donc une victoire pour une victoire, ça change totalement le classement. C'est un classement très serré cette année. Et donc, l'UQAM qui va se pointer. Donc, la finale, c'est ce dimanche à 15h30 au Centre Alphonse Desjardins. Donc, on est à domicile en plus du côté des Patriotes. Je pense que c'est bon signe. Je pense qu'on peut dire comme ça. C'est la première. Depuis quand on n'a pas fait la finale, les frais de la finale du côté des Patriots, ça fait quand même relativement longtemps. Ben, je ne sais pas. En tout cas, assurément, dans les 4 dernières années, on n'est pas allé. Donc, c'est vraiment, vraiment un très bel accomplissement. J'imagine que Pierre Clermont va être très heureux de la performance de ses joueurs. Ben, justement, on va aller l'écouter, Pierre Clermont, on va aller écouter ce qu'il avait à dire. Donc, je lui ai demandé à Pierre s'il croyait que son équipe pouvait remonter quand les Redmen ont marqué leur deuxième but. Écoutons ce qu'il avait à dire. T'allais-tu avoir des gars remontés à la fin quand ils ont fait 2-1? Oui. Ouais? Ben, ce que je souhaitais, comme je disais à Rock, ce qu'on s'est dit, c'est peu importe ce qui arrive, ils travaillent. Puis ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas baissé les bras. Fait que ça, déjà, pour nous autres, c'est quelque chose qui est important parce que c'était un des problèmes qu'on avait identifié l'équipe en début d'année, à savoir que on avait... Attention. mentalement, à l'automne, ben, quand ça allait pas bien, des fois, on baissait les bras rapidement, puis on y croyait moins. Puis tu vois, c'est la deuxième fois contre McGill qu'on remonte. McGill, c'est une bonne équipe, là. C'est une excellente équipe, là. Puis ça a joué dur. À preuve, on a quatre gars blessés. Bon, pas tous par des actions de McGill, là, on s'entend, mais quand même, on a quatre joueurs qui sont blessés. Puis on savait qu'on était, il fallait jouer le match jusqu'au bout. Puis notre condition physique, ce que Rock a fait comme préparateur physique, ça a vraiment servi. Puis là, les gars se rendent compte qu'à la fin de match, on avait encore, là. Puis les gars qui rentrent sur le terrain, ce qu'on s'était dit avant le match, je leur avais dit, je dis, soyez prêts. Quand vous allez rentrer, vous devez hausser le niveau. Vous devez pas, tu sais, t'es pas là juste pour jouer, là. T'es là pour upgrader. Je regarde un gars comme Bashir qui rentre, c'était un show. En tout cas, d'en bas, c'est un show. J'imagine d'en haut, c'était exceptionnel ce que fait Bashir. CF qui rentre avec 13 minutes à jouer, qui nous met les deux buts. Mais tu sais, waouh, bravo, là, c'est. Donc, c'était Pierre Clermont, l'entraîneur soccer des Patriotes. Et très belle performance là, du côté des Pats qui atteignent la finale. Je me suis aussi entretenu avec Geoffrey Jouvin. Bon, ben celui qui est passé de zéro à héros, hein, au contraire. Je suis peut-être un peu méchant là, avec lui, là, des erreurs, ça arrive. Là. Donc, allons écouter ce qu'il avait à dire suite à ce match. Quand ils ont marqué le deuxième but, ben, moi je suis un peu positif sur le but, donc c'est un peu dur moralement de revenir dans le match, mais quand on voit des mecs comme Saïf qui vient juste d'arriver de Tunisie et puis qui s'intègre dans une équipe comme ça québécoise, c'est pas facile parce que avec le langage tout ça. Marquer deux buts sur deux passes magnifiques de Bashir, ben, je lui dis félicitations parce que chapeau quoi, enfin c'est pas facile. Puis la semaine prochaine, on affronte l'UQAM. Comment est-ce que les gars, vous sentez le moral, l'esprit d'équipe dans le fond? Ben, on est. Je pense qu'on a l'équipe pour aller gagner cette finale. Ça va être chez nous, mais ça va être ici. Et puis, ouais, on veut la gagner. Une finale, ça se gagne, quoi. Si tu perds une finale, tu sens mal par rapport aux supporters qui sont venus. Mais je pense qu'on était au moins 100, 150 encore. Aujourd'hui, il y avait encore beaucoup de monde qui sont venus nous voir. Je pense qu'il va y avoir du monde encore la semaine prochaine. Ça va être encore plus bruyant. Puis on espère vraiment gagner ce match contre l'UQAM pour finir en beauté. C'est jamais arrivé à l'UQTR. Mais pour ma première année ici, j'aimerais ça qu'on soit vainqueur de cette coupe. C'est sûr qu'on aimerait ça que tu sois vainqueur de cette coupe-là, Geoffrey. Puis je pense que ce serait le fun d'acheter une deuxième bannière là, dans les Caps, j'imagine. Parce qu'avant, il y avait des bannières. Là. C'est la première année qu'il me semble que les bannières sont pas là dans les Caps. J'ai remarqué ça lors de la finale de volleyball dimanche. Il fut une époque où tu avais les championnats nationaux, puis tu avais les de hockey, puis les prix de soccer. Puis on les affiche où dans le cap, les bannières? Il fut une époque où ils étaient accrochés autour de la piste de course. Ah, pas fou. Et maintenant, ils sont nulle part. Ah. Ou en tout cas, je les vois pas. Je les ai pas vus. Donc, okay. Je sais pas, mais en tout cas. Donc, la finale, c'est ce dimanche, comme je disais tantôt, 15h30. Je pense que ça serait le fun qu'il y ait beaucoup de monde pour encourager. On va avoir besoin de renforts là, du côté des Patriotes, du côté de la foule, pour les pousser un petit peu plus. Et moi, je vais y être et j'ai hâte de voir ça, là, cette finale-là. On s'en va une pause au retour, les nouvelles, et on s'entretient avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. On va parler des cataractes de Shawinigan, et c'est qui débute très bientôt. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Très C'est fou dans vos oreilles. 89. 1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHMQ, les Cataractes rendaient visite aux Huskies de Rouyn-Noranda. La partie s'est soldée par un pointage de 6-4 en faveur de Shawinigan. Les Cataractes terminent donc la saison régulière au 7e rang et affronteront au premier tour de série le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Pour leur part, les Sea Dogs de Saint-Jean ont reçu la visite du Rocket hier et ce n'est pas l'île du Prince-Édouard qui va venir ternir la fiche de Saint-Jean à domicile. La partie se termine par un pointage de 7-2, ce qui permet aux Sea Dogs de devenir la première équipe de l'histoire à ne pas subir une seule défaite en temps réglementaire à la maison. Toujours dans la LHMQ, l'allié gauche et voltigeur de Drummondville, Mathieu Gertin, est suspendu pour 3 matchs après avoir donné une mise en échec par derrière lors de la partie de vendredi face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Au hockey de la Ligue nationale, maintenant, le Canadien s'est amusé sur le terrain de jeu du Wild hier à Minnesota. La partie s'est terminée 8-1 en faveur des hommes de Jacques Martin. Piquet Souban a inscrit 3 buts dans la rencontre pour devenir le premier défenseur recrue de l'histoire du Canadien à compléter un tour du chapeau lors de sa saison recrue. Dans la victoire, Ryan White a aussi inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale. Dans le dossier des coups à la tête, Mark Cook a encore fait parler de lui hier lorsqu'il y a donné un coup de coude à la tête du joueur de des Rangers de New York, Ryan McDonagh. Cook a écopé d'une inconduite de partie sur le jeu et devra peut-être subir une suspension. Les Rangers ont profité de l'indiscipline des Pingouins pour aller chercher la victoire par la marque de 5-2. Au tennis maintenant, c'était la finale de Masters d'Indian Wells hier qui opposait Novak Djokovic à Rafael Nadal. C'est finalement après trois manches de 4-6, 6-3 et 6-2 que Djokovic remporte le Masters et conserve ainsi sa fiche parfaite cette saison. En sport de glisse maintenant, l'équipe canadienne a bien fait hier, eux qui étaient en Norvège pour la compétition de boss en parallèle. Jennifer Hyde, Michael Kingsbury ont gagné l'argent tandis qu'Alexandre Bilodeau et Justine Dufour-Lapointe ont mérité la bronze. Jennifer Hyde termine donc sa carrière sur un podium. Au sport universitaire maintenant, les Patriots soccer masculins étaient en demi-finale hier contre l'Université McGill. On a dû se rendre jusqu'en prolongation pour voir l'UQTR se tirer avec la victoire par la marque de 3-2. Les Patriots se rendent donc en finale et affronteront l'UQAM dimanche prochain à 15h30 au Centre Alphonse-Desjardins. Voilà, c'était vos informations de l'inconduite de partie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Avec la chanson Oh Helen, je suis retourné un peu dans mes souvenirs ce matin là, du bon vieux punk que j'écoutais dans les années 2000 dans ma jeunesse. il y a un temps éloigné. On va maintenant parler d'hockey junior majeur, là, du côté des Cataractes. C'est officiel, là, ils vont affronter les Lids du Prince-Édouard, le Rocket, en première ronde des séries. Pour en discuter, on s'entretient avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Ça va bien, Jonathan? Salut, Nico. Ça va? Yes, très bien, toi-même. Très bien. Tu commences à faire tes bagages, toi, là? Ah, on étudie ça présentement. Okay. Rocket égale très loin la formation la plus éloignée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, il y a deux possibilités actuellement où ce sera un voyage interminable en autobus où les Cataractes vont analyser un avion. À ce moment-là, ce sera des frais beaucoup plus élevés, là. Alors, je te dirais que chacun des médias de la Mauricie là est en train de sortir la calculatrice et de regarder là un petit peu là de quelle façon les couvertures vont être faites. Ouais, puis c'est bien normal, là, veux pas dans ce cas-ci. Gars, parlons-en, là. Tu parles s'il y a des retombées économiques là pour un tel voyage pour prendre le fameux pont de Charlottetown, là, au prix qu'il y a de péage là-dessus, là, c'est pas gratuit. Mais surtout là pour les Cataractes, bon, au niveau de tout ce qui est retombé économique par rapport à cette série-là, comment tu vois ça exactement? C'est le pire scénario qui pouvait se produire, ouais, parce hein? que, bon, jusqu'à hier, à 19h environ, les Cataractes affrontaient les Tigres de Victoriaville. C'était censé être un walk in the park hier, et finalement, les Tigres qui se sont inclinés en temps réglementaire contre l'Océanique de Rimouski. Écoute, il y avait seulement besoin d'un point pour filer finalement au dixième rang. Les Tigres, ils l'avaient échappé au cours de la fin de semaine. Il y avait seulement besoin d'un point pour consolider leur place, d'aller rattraper le Rocket. Et finalement, comme il n'y avait plus de victoire en saison régulière que le Rocket, ben ils auraient passé devant au classement. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. C'était 4-3 pour l'Océanique avec quelques minutes à jouer. Et ça s'est fini 6-3. Alors finalement, le Rocket est passé devant de façon définitive. Alors, les Cataractes qui vont affronter le Rocket. La grosse différence, ben il y en a plusieurs, entre autres, là, notamment au niveau de la billetterie. Pas besoin de vous dire qu'en première ronde contre Victoriaville, sans dire que ça aurait été plein, ça aurait donné tout un coup de main quand même de voir quelques autobus de Victoriaville arriver. Pas convaincu qu'il y a beaucoup de gens de l'île du Prince-Édouard qui vont faire le voyage. Les entraîneurs, c'est pas mal ça. Ben, ça ressemble à ça. Hein? Fait que tout ce qui est bar, restauration, hôtellerie, c'est un grand coup de pelle, là. On peut parler aussi, bon, de tout ce qui est voyage, là, de ce côté-là aussi, là. Tu parlais de Victoriaville, c'est un autobus, puis c'est 1h30 se rendre là, mais là, du côté de l'île du Prince-Édouard, c'est des frais supplémentaires, autant pour l'île du Prince-Édouard, parce qu'il faut pas les oublier là-dedans, c'est une concession qui tire de la patte, alors qu'au moins, avec les Cataractes, on a un petit peu plus les moyens. Sinon, on y va avec un avion, mais il va avoir des retombées, là, pour tout ça. Est-ce que tu penses qu'au niveau du voyagement, pour les joueurs, la différence entre prendre l'autobus puis l'avion, on se sent mieux, on est plus relax ou... Entre toi et moi, t'as le choix de faire 16 heures d'autobus, partir 3 jours avant le match ou partir la veille faire 2 heures d'avion. Ouais, non, t'as le choix. C'est surtout ça, mais au niveau du... Si on revient un peu au niveau hockey, mais le fait que l'île du Prince-Édouard, eux, ça risque d'être... À moins qu'on ait la chance de prendre un avion, mais si on est en autobus par rapport aux Cataractes, Shawinigan part avec une petite longueur d'avance avant même que la série soit commencée? Oui, ben peut-être. Écoute, je te dirais que le gros danger dans cette série-là, ce sera vraiment la formule 2-3-2. Ouais. Ça commence à Shawinigan avec deux matchs. Ils devront connaître deux bons matchs parce que s'ils se présentent à Charlottetown avec une série égale de 1-1, au pire encore... Un pas en arrière de 2-0, là, ça va être difficile parce que là, ce sera trois matchs collés là du côté de l'île du Prince-Édouard et ça, la commande va être assez lourde parce que le Rocket, oui, ils ont terminé loin au classement général. Toutefois, faut pas se leurrer. Sur papier, c'est une formation qui est 14 fois supérieur au Tigre, qui est beaucoup supérieur également aux Wildcats de Moncton. Ils ont une attaque redoutable, les Duffy, les Hubs, Nesdrazil, Paradis et compagnie. Nesdrazil, j'aurais tendance à l'exclure avec les performances qu'il a offert l'an dernier en séries éliminatoires, mais il faudrait pas l'oublier. C'est ouais. Le genre de joueur qui peut changer le match à lui seul. Ben, on se souvient qu'il évoluait avec les Tigres de Victoriaville l'an dernier et que ça avait été, ça avait pas été un succès, là, pour lui. Pas un succès. Écoute, c'est 2 buts, 4 passes en 16 matchs. Quand c'est censé être ton meilleur marqueur, il y a un problème. C'était l'homme invisible hier, pas hier, mais l'an dernier, là, en séries éliminatoires. Et d'ailleurs, là, c'est pas étranger pourquoi Jérôme Mezonero l'a échangé. C'est pas la seule raison, évidemment, mais je suis convaincu que son rendement en séries éliminatoires, là, ça a vraiment pas aidé à ce que les Tigres de Victoriaville aient envie de le garder. Finalement, ben, il s'est ramassé à l'île du Prince-Édouard, là, mais vraiment, Nesdrazil, là, c'était une déception l'an dernier. Bien hâte de voir de quelle façon il va se comporter cette année. un autre joueur. Il va sûrement être, il devrait être suspendu pour le premier match de la saison. Il avait été des séries plutôt. Il avait été suspendu quelques matchs avant la fin de la saison. 3 matchs, je me souviens, sa suspension pour Philippe Paradis. Ouais, ben tout à fait. C'était une mise en échec jugée par derrière. Bon, ça s'est fait rapidement. Personnellement, bon, le joueur était en possession du disque, s'en est débarrassé immédiatement avant que Paradis le mette en échec. C'était limite. C'était limite, du moins par l'angle de caméra là, qui est disponible sur Internet. On se posait d'énormes questions à savoir s'il y aurait suspension. Finalement, on a tranché, c'était 3 matchs. Bon, ça sera un match en début des séries. Par la suite, il pourra revenir là, samedi pour le 2e match face aux Gats. Est-ce que tu crois que Philippe pourrait être intéressé à jouer un petit peu plus qu'on l'a pu le voir quelques fois durant sa carrière, du fait que c'est contre les Cataractes? Définitivement. Je lui ai parlé un peu sur Internet hier soir. Je dois lui téléphoner à 13h cet après-midi là pour y aller d'une entrevue en prévision d'un article. Mais vraiment, ce qu'il m'a mentionné hier, et puis j'ai pas discuté trop longtemps, je voulais en garder pour aujourd'hui, mais ce qu'il m'a mentionné vraiment, c'est que si on lui avait dit au début de la saison... Tu vas affronter Shawinigan en série éliminatoire. C'est loin d'être le scénario auquel il s'attendait. Du côté du Rocket, là, on s'attendait pas non plus à affronter les Cats au premier tour, mais on a connu une fin de saison extraordinaire. Ils ont été battre, entre autres, là, les Sea Dogs de Saint John dans le dernier droit du calendrier. Alors vraiment, eux sont un peu sortis de nulle part là, après une première moitié de saison difficile. Et pour lui, de revenir à Shawinigan, là, ce sera toute une série d'émotions. En terminant, là, Jonathan, je veux savoir tes prédictions pour cette série-là? Écoute, je pense que ça va être une très longue série là entre les Cataractes et le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Sur papier, comme on l'a mentionné, le Rocket, c'est une machine offensive, une défensive peut-être un peu moins complète que celle des Cataractes, mais tout de même une bonne défensive. C'est entre les poteaux que ça va jouer. Oui. 2 gardiens de but qui se ressemblent beaucoup, 2 gardiens de but qui sont sous-estimés. Lorsqu'on parle des gardiens de but vedettes dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, rarement on va nommer Gabriel Girard, mais encore moins Evan Mosher. Pourtant, c'est un gardien de but qui présente des statistiques bien similaires à celles de Gabriel Girard, et lui me fait extrêmement peur en série éliminatoire. Et je vous dirais là, que si le Rocket joue comme ils ont joué en fin de saison régulière, ça pourrait causer même une surprise. Et pour revenir à bout des Cataractes, je pense pas. Je pense que les Cats vont remporter cette série-là, mais ce sera au moins en 6 matchs. Au minimum. Est-ce que les dates, je regarde sur le site de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on ne semble pas encore avoir... émis de calendrier, du moins, je sais pas si tu as des informations là-dessus. Écoute, c'est sous toute réserve, selon moi, ce sera vendredi, samedi à Shawinigan, mardi, mercredi et vendredi prochain à l'Île-du-Prince-Édouard. Et si nécessaire, là, il y aura un autre match à Shawinigan. Est-ce que ce sera le dimanche ou le mardi? Là, faudra voir, là, le calendrier n'est toujours pas final, là, mais on s'enligne vers un calendrier de ce genre-là. Écoute, je viens d'aller voir sur le site des Cataractes et bon, la première image qui apparaît à part Tomahawk, qui est le logo de la Coupe du Président, 2 écritures, vendredi 25 mars, 19h30 et samedi 26 mars à 16h. Donc, je pense que sous toute réserve, tu avais très raison là-dessus. Ok, ça, hein? C'est ok, ça. Merci beaucoup, Jonathan. Hey, thank you, boy. Passe une belle journée. Salut. Salut. C'était Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice qui s'est joint à nous. N'hésitez pas à lire ses textes. J'ai hâte de lire ça, ce texte-là, avec Philippe Paradis, là, savoir, bon, parce que Paradis, j'en ai parlé, là, quelques fois, là, qui est pas tout le temps, là, celui pour qui mettre le cœur à l'ouvrage, là. Pas tout à fait le gars qui est le plus là, et là je pense que ça pourrait être le genre de choses qui pourrait allumer ce choix de première ronde dans le fond de la Ligue nationale. Avait été repêché par les Hurricanes de la Caroline, avait été ensuite échangé aux Maple Leafs de Toronto et il appartient présentement aux Blackhawks de Chicago. C'est-à-dire qu'il avait été échangé contre il me manque le joueur Kirill Tupolov, quelque chose comme ça, avec Caroline. Il me manque, désolé là, les gens à la maison qui savent de qui je parle, peut-être que vous savez. Ensuite, avait fait partie de l'échange Chris Versteeg du côté de Chicago. Échange Chicago. Versteeg qui ne fait que passer à Toronto, qu'on aurait échangé contre un 2e choix du côté de Philadelphie. Donc, pour se rendre là, à cette série-là, bon, ben, les Cataractes ont dû terminer 2e au classement. Et bon, ça n'a pas été nécessairement facile, mais on avait une fin de calendrier qui était quand même avantageuse. 2 matchs en Abitibi. Je pense que c'est bon d'avoir eu 2 matchs en Abitibi parce qu'on se retrouve sur la route. On se retrouve ensemble, en gang, au lieu d'être tous dans notre coin ici, là, du côté des Cataractes. Je pense qu'on peut tout de suite se mettre en mode série éliminatoire avec une semaine d'avance, même une semaine et demie d'avance sur tout le monde. On peut commencer à avoir les coupes de série, les coupes de cheveux des séries. Le collègue Steve Turcotte, là, qui écrivait un texte, il y avait une belle photo d'Alex Dubois, le gardien substitut, qui était rasé comme un moine. Donc, pas de cheveux dans le centre, des cheveux sur le côté, selon la photo, à moins que la coupe n'ait pas fini. C'est Dave Labrec qui agit comme coiffeur, là, présentement, du côté des Cataractes. C'est jamais bon signe quand c'est un de tes coéquipiers qui est le coiffeur. Surtout à 20 ans. Ouais. Surtout un joueur de 20 ans, c'est très mauvais signe. Et écoute, Alex Dubo, si ça se termine pas bien pour les Cataractes, là, il va pouvoir aller rejoindre le manoir, pas le manoir, mais le monastère pour cet été. Il n'y aura pas de problème avec une coupe de cheveux comme ça. Donc, on disputait deux matchs, là, contre des équipes de l'Abitibi. Tout d'abord, on débutait contre les Foreurs de Val-d'Or et les Cataractes l'ont apporté 8 à 4. Pourtant, 32-26 les tirs dans ce match en faveur des Foreurs, mais on n'a vraiment pas été de taille là, du côté de Jacob Gervais-Chouinard qui a accordé 7 buts sur les 25 lancés. Donc, on peut parler, entre autres, là, dans les meilleurs là, du côté des Cataractes, Anton Zlobin. Et je suis content de voir Anton commencer à produire, là, du moins continuer sa production quelques matchs avant les séries. C'est bon signe pour lui parce qu'on sait en séries éliminatoires qu'est-ce que ça prend, à part du talent puis du vouloir, c'est de la profondeur. Et bon, Zlobin qui évolue sur le troisième trio. On connaît son talent offensif, Anton, mais le voir fournir comme ça, c'est bon signe. Dave Labrec aussi, 3 points dans ce match-là, donc c'est excellent. 2 buts pour Tommy Giroux, bon signe pour lui aussi. Ryan Cavanaugh, 2 passes. La victoire va à l'affiche de Gabriel Girard. Et le lendemain, dimanche, c'est-à-dire hier, bien sûr, les Cataractes étaient en action contre les Huskies de Rouyn-Noranda. On a donné quelques congés et on a relaxé certains joueurs, entre autres Dave Labrec qui n'a pas participé à ce match. Et encore Zlobin, 3 points dans ce match-là, 5 points en 2 matchs pour Zlobin. Peut-être un candidat, là, va falloir voir les jeux. Ça sort aujourd'hui au niveau des joueurs de la semaine. Par contre, ça n'est pas encore sorti présentement, donc on s'en reparle vendredi. 3 points dans ce match-là pour Zlobin, très bon pour lui et on peut parler entre autres de lui et de Peter Sakaris. 3 points, 2 buts, 1 passe pour Peter Sakaris. Donc content de voir ça. Et c'est Alex Dubo qui était dans les filets quand je disais qu'on allait reposer quelques joueurs. Alex Dubo n'a pas participé à ce match. Gabriel Girard plutôt n'a pas participé à ce match. Un autre qui n'a pas participé au match, bon ben c'est Michael Bournival, toujours blessé depuis quelques semaines. On dit qu'il est prêt à revenir au jeu, mais par contre, du côté d'Éric Veilleux, on a décidé de le laisser à Shawinigan. Juste par principe de wow, si t'es là, je vais peut-être être tenté de t'utiliser, fait que je préfère te laisser de côté dans ce cas-là. Dans les autres matchs là, pour les équipes de la région, bon ben les Voltigeurs étaient eux aussi du côté de Val-d'Or et ils l'ont emporté 3-2. C'était hier soir, ça a pris la prolongation. C'est un but d'Andrew Randazzo qui permet aux Voltigeurs de l'emporter. Et pour les Tigres, bon ben Jonathan en parlait, on s'est effondré hier contre l'Océanique de Rimouski à domicile, en plus du côté des Tigres, 6-3, ce qui fait qu'au niveau du classement, les Tigres vont payer là, pour ça, là, pour cette défaite, parce que on termine avec 74 points et on termine au 11e rang, alors que l'Île-du-Prince-Édouard termine avec 75 points au 10e rang et même au 9e rang, les Wildcats de Moncton. C'est-à-dire que si l'Éthique de Victoriaville l'a remporté dans ce match-là, on terminait au 9e rang, on affrontait Lewiston, alors que là, on va affronter le Titan d'Acadie Bathurst du côté de Victoriaville. Probablement pas le scénario qu'on espérait. Je suis pas mal sûr que du côté de Victo, on aurait peut-être aimé ça aussi rencontrer les Cataractes, parce que c'est bon au guichet, là, une série contre les Cataractes. Pas mal plus que contre le Titan d'Acadie Batters. D'ailleurs, j'ai hâte de voir les foules pour le Titan là, dans les séries, parce qu'on sait qu'en saison, ça n'a pas été un succès. Bien sûr, les Sea Dogs de St. John's, on termine au premier rang, 119 points. On termine avec une séquence de 8 victoires, 2 défaites et aucune défaite, comme tu en parlais dans les nouvelles, Marc-Antoine. Aucune défaite à domicile dans cette saison là pour les Sea Dogs de St. John's en temps régulier. Tout simplement phénoménal comme équipe. Commencer à graver la plaque sur la coupe pour eux, je pense que ça sera pas nécessairement a walk in the park, comme disait Jonathan, mais on part avec une très longue longueur d'avance là, du côté des Sea Dogs. On établit un nouveau record avec les 58 victoires également, donc franchement, une saison, je pense que c'est un record de concession. C'est un record de concession, mais ouais. Je pense qu'au niveau de la Ligue, je l'ai vu l'autre jour, j'ai pas les stats. Malheureusement, là, tu me prends au dépourvu, là, mais je crois qu'un des records, je pense que c'est pour le plus de victoires à partir au draveur de Trois-Rivières. Du moins, ils sont dans les meneurs là, dans cette section. Junior de Montréal termine au 2e rang avec 102 points. Les Remparts de Québec au 3e rang avec 100 points. Et voici les Voltigeurs de Drummondville qui se pointent au 4e rang avec 98 points. Donc, parlons des matchs qui vont se dérouler en séries éliminatoires. Sea Dogs vont affronter les Screaming Eagles du Cap-Breton. Le Montréal va affronter Halifax. Québec va affronter les Foreurs de Val-d'Or. Voltigeurs vont affronter les Saguenay de Chicoutimi. Gatineau va affronter l'Océanique. Acadie Batters, bien sûr, les Tigres. Les Cataractes, on en a parlé, contre le Rocket. Et finalement, Lewiston va affronter Moncton. Donc, ça sera les matchs lors de cette première ronde des séries éliminatoires de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Je pense qu'on va en reparler un petit peu vendredi. On va émettre nos prédictions probablement là du côté de notre équipe. On pourrait se faire notre éternel pour une troisième année, notre pool des séries éliminatoires. Quoique, je suis pas sûr qu'on va le faire pour la simple raison que on le faisait toutes les autres années, mais la saison, la Coupe Memorial termine avant que notre année, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'émission durant l'été, donc avant que notre année de hockey, de couverture plutôt de radio se termine. Non, il se termine après que notre émission finisse. Merci beaucoup, Marc-Antoine. C'est probablement ton idée matinale la plus difficile à sortir de ta tête. Ouais, ça se pourrait, là. J'ai pas trop analysé là-dessus. Donc, c'est pas mal ce qui conclut pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. On va maintenant parler des autres équipes de hockey en Mauricie qui sont encore actives, c'est-à-dire les Dragons du Collège La Flèche et le Caron Aiguë de Trois-Rivières. C'est pas vrai. Techniquement, il y a encore les Estacades au niveau Midget 3 qui sont actifs, vu qu'ils vont participer à la Coupe d'Or. Du côté de... Ça va se dégouler en Mauricie. En plus, ça va être au Centre Alphonse Desjardins. Mais quand même, on n'en parlera pas parce que c'est pas commencé, bien sûr. La Flèche disputait deux matchs en fin de semaine. C'était les deux derniers matchs avant le début des séries éliminatoires. Et on parle de victoire de 6-1 contre le Cégep, le Collège Harrington d'Oka. En tout cas, dans ce match-là, on peut donner la première étoile à Alex Poirier, là, qui a encore connu un excellent match, là, du côté de Poirier. D'ailleurs, Poirier, là, je vous en parle un petit peu plus tantôt, là, Poirier, deux buts, là, dans ce match-là. Je vous en parle tantôt pour Poirier. Et on affrontait finalement la Flèche affrontait le Cégep Saint-Laurent. Et ça a été une défaite, par contre, de 6-2 des Dragons contre Saint-Laurent. Donc, ce qui fait qu'on termine au niveau du classement. On termine au troisième rang, là, du côté de la Flèche. C'est un classement qui est quand même bien là parce que ça va nous permettre... On a terminé à 5 points de Champlain-Saint-Laurent et à 2 points d'avance sur Saint-Laurent. Saint-Laurent qui était la dernière équipe, bien sûr, là, que la Flèche a affronté. Ce qui fait qu'en séries éliminatoires, ça va se jouer entre la Flèche et le Cégep André-Laurando. Donc la Flèche qui termine à 44 points, André Laurando avec 33 points. Et là, au niveau de ces matchs-là, ça débute assez tôt, merci, là, du côté du sport collégial. Je vous dis ça dans quelques secondes, mais tout d'abord, je vous parle du championnat de fin de saison pour les marqueurs. Eh bien, c'est Alex Poirier des Dragons qui l'emporte avec 56 points. Il a devancé Miguel Pereira, là, du côté de Sorel-Tracy, qui lui a terminé avec 51 points, et son collègue de trio, ou plutôt dans son équipe, Jean-Philippe Leduc, qui lui termine avec 48 points. Ce qui rend l'exploit de Poirier encore plus étonnant, c'est qu'il a fait ce record avec seulement 32 matchs, alors que les deux autres joueurs ont bénéficié de 35 matchs. Les séries, ça débute le 25, c'est-à-dire vendredi. Ce sera ici même au pavillon Claude Mongrain. On va affronter le Cégep André Laurando et c'est à 19h45. Et dans les autres séries éliminatoires, dans le reste du hockey, c'est le Caron Aiguë qui ont débuté, eux, leurs séries éliminatoires là, du côté ici même à Trois-Rivières. On affronte Rivière-du-Loup, donc quand même un peu de voyagement là, du côté du Caron Aiguë. Et on a remporté notre premier match pour Trois-Rivières. C'est une victoire de 5-3. On le sait, Marc-Antoine, c'est la Rivière-du-Loup, c'est la troupe de Donald Brashear. Oui. Donc, on est revenu un peu parce qu'il y avait eu des événements assez malheureux là dans les matchs à la fin de la saison. Et Brashear, qui était habillé pour ce premier match des séries, mais la victoire de 5-3 là du côté de Trois-Rivières. Donc, la victoire va à l'affiche de Julien Ellis. Et on peut parler de Simon Laliberté qui a récolté 4 points dans ce match-là. Et Sylvain Rodier avec une récolte de 3 points, tout comme Alexandre Jacques. Dans le deuxième match de cette série, alors qu'on mène bien sûr 1-0 du côté de Trois-Rivières, c'était samedi du côté de Rivière-du-Loup. Et ça s'est vraiment joué en avantage numérique, ce match-là. C'est une victoire de 6-4 de Rivière-du-Loup pour égaler la série. Les avantages numériques, messieurs, là, je vous dis ça, là. 4-8 du côté de Trois-Rivières, 3-8 du côté de Rivière-du-Loup. Donc ça c'est vraiment tous les buts de Trois-Rivières ont été comptés en avantage numérique, alors que du côté de Rivière-du-Loup, on a réussi à être un petit peu plus opportuniste. On peut parler de Donald Brasher, hein, parlons-en de Donald. Lui qui avait pas très bien joué lors du premier match, a eu un but de passe, je crois, lors du deuxième match. Exactement, là, du côté de Brasher, on a très bien performé pour le numéro 87, un but, deux passes, trois points, tout comme Chad Lacasse, qui a obtenu lui aussi trois points. Donc, Brasher a la deuxième étoile, alors que Lacasse obtient la première étoile. C'est 1-0 dans cette série-là. Et le prochain match, ça va être disputé ce mercredi à 19h30, c'est au Colisée de Trois-Rivières. Donc, on se met à avoir du hockey de séries éliminatoires en plein milieu de semaine du côté de Trois-Rivières. Ben, ça fait quelques semaines que c'est comme ça, avec les Patriotes là, qui évoluaient en séries éliminatoires, mais qui, bien sûr, du côté des Patriotes, c'est terminé. Hey, j'en glisse un petit mot en terminant. Le carré d'as, c'est terminé. Pas le carré d'as, mais les six équipes, c'est maintenant officiel. Du côté de la conférence de l'Atlantique, du côté des sports universitaires, la seule équipe qui n'avait pas été, la seule coupe, devrais-je dire, le seul champion qui n'était pas encore connu, c'est les Reds de UNB qui l'ont finalement emporté contre les X-Men de Saint-FX dans le match ultime de cette série-là. Les deux équipes se dirigeront, ben, UNB se dirigeait déjà vers le championnat national, mais les deux équipes ont participé au championnat national qui se tient au Nouveau-Brunswick, à l'Université du Nouveau-Brunswick. Ça débute jeudi, là, du côté des Maritimes. Ça va une pause. Au retour, Philippe. Philippe, tu nous parles soccer. Tout à fait. Tout à fait. On va avoir, j'ai l'impression que tu as quand même une chronique assez chargée. Et donc, c'est pas mal ça. On s'en va une pause et au retour, Philippe, vous livre sa chronique. Vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. N'hésitez pas à nous rejoindre live à commercial inconduitedepartie.com et notre site web inconduitedepartie.com. C'est fou dans vos oreilles. 89. La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'inconduite de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Jusqu'au bout du rail. 400 000! Ah, c'est bon. C'est le nom de la chanson, c'est les Breastfeeders et j'aime ça. J'aime vraiment ça, Breastfeeders. C'est bon le matin. Philippe, allons-y avec le foot du coup. Non, pas vrai. Hey, petit birthday boy, Philippe, on va te souhaiter une bonne fête merci, ce matin. Merci, merci, merci. Philippe qui célèbre ses 26 ans matin. Je célèbre ce matin le début de ma 27e année sur cette planète. Bienvenue dans le club des 26 ans. Ouais. On est vieux comparé aux petits jeunes à côté, hein? Ouais, mais à le regarder, on se dit que la relève est pas vraiment menaçante, donc c'est safe. Alors les gars, je vais y aller, moi. Marc-Antoine ne répondit pas, c'est sa fête, il a le droit. Non, je vais attendre que les micros soient fermés. Attends vendredi là, pour me répondre. Parce qu'à la shape que, il peut quand même te péter à la gueule. Il peut me casser, ouais. Non, mais ça, de toute façon, ça a été l'histoire de ma vie, donc... Ça va. Philippe, donc, petit birthday boy, oui. Le fait est, raconte-nous ce qui s'est passé là, du côté de la Ligue des champions cette semaine. En fait, avant de vous parler un peu là, de ce qui s'est passé au niveau des sélections pour les quarts de finale, on va faire un petit tour des matchs retour qui avaient lieu lors de la ronde des 16, en fait, les 15 et 16 avril dernier. 15 avril, c'est Manchester United qui recevait l'Olympique Marseillais. On se rappelle que le premier match avait terminé 0-0. Eh bien, c'est fort d'une victoire de 2-1 que Manchester United accède au quart de finale avec des buts de Hernandez à la 5e et la 75e minute. L'OM qui a quand même réussi à concrétiser un but de Brown contre son camp à la 82e minute. Donc, c'est en effet pour l'Olympique Marseillais, Manchester United qui poursuit sa merveilleuse route jusqu'en quart de finale de la Champions League. Ensuite, même journée, Bayern recevait l'Inter Milan et... Au match aller, le Bayern avait remporté 1-0. Et au match retour, c'est l'Inter Milan qui l'emporte 3-2. Donc, début de Eto à la 4e minute, Schneider à la 63e et Pandev à la 88e assure le passage de l'Inter Milan en quart de finale grâce à le nombre de buts marqués sur le territoire adverse. Du côté du Bayern, c'est Gomez à la 21e et Müller à la 31e qui sont venus marquer du côté de Munich. Fait intéressant à noter, Robben, un des meilleurs joueurs du côté de Bayern, a été sorti très tôt en deuxième demi. On s'est un peu posé la question, en fait, à savoir quelle était la stratégie derrière tout ça de la part de l'entraîneur de Munich. Mais bon, au final, on n'aura ni eu la réponse, ni eu gain de cause du côté de Munich parce que l'Inter de Milan l'emporte 3-2 et passe ainsi en quart de finale. Du côté de Londres, Chelsea recevait Copenhague, le FC Copenhagen, qui avait perdu 2-0 au match aller. Et ce match, fort d'une palpitante offensive, s'est soldé par la marque de 0-0 à Stamford. Donc, Chelsea qui passe au cumulatif 2-0 s'en va en quart de finale également. Real Madrid recevait Lyon, match qui s'était terminé à l'aller 1-1. Donc, Lyon qui conservait encore tous les espoirs de passer en quart de finale, c'était sans compter la force offensive du Real Madrid. Donc, Marcelo à la 37e, Benzema à la 66e qui vient faire mal à son club d'enfance et Di Maria à la 76e minute viennent clouer le cercueil de l'Olympique lyonnais. Real Madrid qui avancera en quart de finale. Mauvaise nouvelle du côté du Real Madrid, cependant Cristiano Ronaldo qui a aggravé sa blessure à la cuisse pourrait rater l'affrontement contre Tottenham. Donc, on sait que Tottenham est un peu l'équipe anglaise surprise dans la Ligue des champions cette année. Il y a quand même le tombard de bonnes équipes. Les Spurs. Donc, les Spurs qui ont remporté leur match de la Barclays League en fin de semaine également contre West Ham. Donc, ça va être intéressant. Ces affrontements, parlant justement d'affrontements, on s'en est parlé vendredi dernier, alors qu'on était en onde. Mon bon vieux Ric Flair préféré. Je vais faire une belle transition dans mes thèmes de c'était, fond. C'était magnifique. J'ai pas choisi le bon vidéo YouTube. Eh non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, on en a parlé vendredi. C'est sorti alors qu'on était en onde, justement, les affrontements pour les quarts de finale. Real Madrid qui va affronter Tottenham, on vient d'en parler. Chelsea qui va affronter Manchester United. Ce sera l'affrontement des quarts de finale. Donc, vraiment, tout anglais. Et il va avoir probablement le vainqueur là, d'au moins une autre ronde qui va sortir gonflé à bloc de cet affrontement. Barcelone qui affronte Shakhtar Donetsk, ça devrait être un walk in a park, comme dirait Jonathan, ouais. Pour Barcelone. Et l'Inter Milan qui va affronter Schalke également là, à favoriser l'Inter Milan. Mais en dehors là, de ces deux affrontements-là qui risquent d'être relativement assez faciles à la fois pour l'équipe italienne que pour l'équipe espagnole. Dans les deux autres cas, là, Real Madrid, Tottenham et Chelsea, Manchester United, rien n'est joué. Ça va être très intéressant de voir les affrontements, surtout du côté de Real Madrid, si on a perdu Cristiano Ronaldo pour la première le match aller. On verra bien. MLS maintenant. C'était le début en MLS des Whitecaps de Vancouver, hey. Fort d'un stade, je dois dire, magnifique. Ben, tu sais c'est quoi ce stade-là? Oui, c'est le Empire Field. Oui, ben, qui est l'ancien stade, en fait, là, que tu es en train de j't'explique, me dire. Si je te regarde les yeux, je t'explique. Explique-moi. On a du côté de... Bon, le BC Place qui est en rénovation présentement. Oui. On refait le BC Place au complet du côté de Vancouver. Ce qui fait que les Lions de la Colombie-Britannique ont dû évoluer dans un stade cette année parce que les rénovations ont été trop... sont trop grosses pour laisser une équipe évoluer dans le BC Place présentement. Donc, on a construit le Empire Field qui est à moitié la récupération d'un ancien stade. Je pense sur le terrain de l'exposition de 86. Ah non, c'est pas ça, mais du moins je me trompe là, mais on a repris un ancien stade. On a construit la plupart des estrades, c'est des estrades temporaires. C'est-à-dire c'est un faux stade totalement. C'est pas plus compliqué. Mais c'est ça. D'une tristesse légendaire parce qu'il est magnifique. C'est pas plus compliqué que ça. La signature visuelle qui est derrière est vraiment sublime parce que, bon, les Whitecaps, on sait, ils se nomment les Whitecaps en l'honneur justement du couvert blanc qu'il y a sur les montagnes de Vancouver. Et du terrain, on aperçoit en arrière-plan les montagnes et c'est signé Whitecaps, cet emplacement, c'est vraiment magnifique. Je suis désolé, mais c'est faux. C'est un stade faux avec des dommages. C'est faux, c'est des estrades qu'on peut retrouver comme au Grand Prix de Trois-Rivières ici. Mm-hmm. Mais on les a placés parce qu'on savait qu'on allait évoluer là pendant plus d'un an du côté des Lions et du côté des Whitecaps. On l'a mis un peu plus bas, on a construit des tours. On a également les panneaux publicitaires interactifs là du côté. Ben ça, j'imagine, c'est transférable. Oui, fort probablement. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on y allait là pour je peux être déçu. Pas du tout le vrai stade et on va jouer par contre la majorité de l'année. Je crois qu'il y a seulement les deux derniers matchs à domicile des Whitecaps qui seront enfin disputés au BC Place. Mais pour le reste, ce sera donc au Empire Field, qui peut quand même contenir là 23, 24 000 places. Là, donc, et c'était plein à rabord là, du côté de Vancouver. Plein à craquer. On voyait quand même une petite masse rouge, fiers partisans du Toronto FC qui s'était déplacé, environ une centaine d'ultras là, qui s'étaient déplacés du côté de Vancouver. Vas-y donc. C'était construit, l'Empire Stadium a été construit en 1954 pour... Ça fait longtemps qu'il est temporaire, ton stade. Les jeux... Non, mais il y a eu un stade. C'est-à-dire on a reconstruit le stade sur les restes de l'ancien. Il a été démoli en 93. Okay. Ça a été construit pour les jeux de la paix britannique. Et, les fameux jeux du Commonwealth. Les jeux du Commonwealth, exactement. Elvis y a déjà joué. Ah. Les Beatles aussi. Okay. Mais ça, c'est l'ancien. J'aimerais ça te trouver le nouveau... Bon, mais bref, pendant que tu cherches, je vais y aller pour un sommaire. C'est Eric Asley qui a marqué le premier but du des Whitecaps de Vancouver en MLS. Et vas-y. Oui, 27 528 places dans le stade. Et c'est un C'est pas mal ce que j'avais à te dire. Là. Ah, c'est super intéressant de se faire couper pour un nombre de positions. Ensuite, c'est Dwayne De Rosario. Il est fatigué. Je vais juste te dire combien il y avait de personnes. Veux-tu te donner mon sommaire? Ah, OK, vas-y. Veux-tu le faire? C'est parce que tu croyais que ce match-là, c'était un match hors concours, fait qu'on en reparle. Non. Je t'ai dit que je n'étais point certain. C'est pas tout à fait pareil. Donc, Eric Asley qui a ouvert la marque à la 15e minute pour les Whitecaps de Vancouver. Ensuite, Dwayne De Rosario est venu faire 1-1 à la 20e minute pour le Toronto FC. Et par la suite, ça a été l'affaire de Vancouver qui ont dominé complètement le match. Terry Dunfield à la 26e, Atiba Harris à la 63e et Eric Asley, son deuxième à la 72e, portait la marque 4-1 et Maicon Santos à la 74e minute a porté le score à 4-2. Mais vraiment une domination complète de Vancouver sur Toronto. Donc, vraiment, vraiment une belle entrée en matière dans la MLS du côté de Vancouver. Et Toronto, qui poursuit sa marche vers les ténèbres, rate les séries pour une troisième année de suite. Puis là, ça va être probablement leur pire année depuis qu'ils sont dans la Ligue. Là. Oui, et surtout que là, ils ont approuvé, ils ne sont plus la seule équipe canadienne en MLS. Risque d'avoir de la forte concurrence au niveau du championnat canadien. Ça va peut-être être une année difficile pour Toronto. Évidemment, là, on peut pas nécessairement non plus se baser sur un seul match, mais quand même, ça risque d'être intéressant pour la suite des choses. Petit survol rapide des autres matchs, là, si tu le permets. New York a remporté 1-0 contre Seattle. Ça aussi, ça va être très intéressant. Le prochain match, Seattle-Vancouver en MLS, Je pense que la rivalité va être beaucoup plus là qu'avec Toronto. Ah ben oui, assurément. Parce que les Sanders, c'est une équipe où est-ce que les partisans sont vraiment accros. Oui, et c'est des partisans qui voyagent énormément partout ailleurs dans la Ligue. Donc évidemment, à Vancouver, ça va être un terrain très facile à aller peut-être là s'approprier pour les partisans de Seattle. On sait que, bon, Seattle-Vancouver, c'est environ à 2 heures un de l'autre. Là, c'est très, très proche. Washington qui l'emporte 3-1 contre Columbus. FC Dallas et Chicago font match nul 1-1. Philadelphie l'emporte 1-0 contre Houston. Portland perd 3-1 contre Colorado. Kansas City l'emporte 3-2 contre Chivas et Salt Lake l'emporte 1-0 contre San Jose. Notez également que dimanche, Los Angeles a fait match nul contre New England 1-1. J'ai extrêmement hâte de parler de l'impact dans cette ligue. J'ai écouté le match avec ma copine et on a cessé de dire à quel point on avait donc hâte que l'impact entre dans cette ligue et qu'enfin on ait des affrontements contre des villes majeures. Un paquet de partisans également qui connaissent le soccer. Donc, ça va être très, très, très intéressant de voir ça. Et fait également intéressant à noter, le nouveau gilet des Whitecaps de Vancouver est magnifique. Ben, il est blanc avec des petites lignes bleues. Il est superbe. Commandité par Bell, effectivement. Un choix quand même intéressant pour Bell, parce qu'on veut rivaliser avec Rogers, voilà, qui a acheté les droits de l'ancien GM Place, effectivement, dans le cadre de l'Arena des Canucks de Vancouver. Donc, Plus que ça, Rogers, tu sais que Rogers possède le Toronto FC? Ouais, aussi, ouais. Ah, c'est là, je pensais que tu t'en allais. Non, à vrai dire, t'as tort, mais c'est pas grave. C'est Teachers, c'est MLSC. Ouais, mais ok. Mais à vrai dire, c'est Rogers, c'est seulement on les noms du Skydome. C'est ça. Tout simplement. Alors, on va à la musique. Et là, je me fais... Les droits de diffusion. C'est ça, je le dis. Ah, les droits de diffusion de Rogers? Ouais. CBC a des droits aussi. Là, oui, okay. Mais c'est un peu comme... Non, c'est TSN qui a les droits. Qui a les droits de diffusion, oui. Ouais. Mais c'est Rogers qui s'occupe de la télécommunication, là, si tu veux, de tout cet aspect-là du Toronto FC. OK. C'est ça. Si tu dis. C'est ça. Ferme-moi pas. Et là, j'avais choisi cette chanson-là pour... vendredi, j'ai choisi cette chanson-là. Dans le fond, c'est du Jean Leloup. C'est parti! On va écouter du Jean Leloup. J'avais choisi cette chanson-là parce que je me disais, printemps-été, c'est une bonne petite chanson. Puis il commence à faire chaud, la glace fond, les inondations commencent sur la rive sud de Montréal. Ouais. Et là, ce matin, il fait un peu froid. Mais bon, pour mettre un petit peu de chaleur dans votre cœur, on va tout de même aller l'écouter. Printemps-été de Jean Leloup. Isabelle! Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ordres de C'est fou. Écrivez-nous live à commercial inconduitdepartie.com et notre site web inconduitdepartie.com. Je vous laisse avec Jean. Les motards nous font du bruit. et tout resplendit de bonheur. Et elles sont là à les arder devant la maison, à l'entrée des filles qui sont déshabillées. 1, 2, 3. C'est le printemps et c'est l'été, les terrasses se sont remplies et les gens sont épanouis. Comme des oiseaux sortis du nid, les petits enfants qui pépillent dans les piscines font pipi. Et je m'ennuie de toi jolie, tu mettras ta jupe à midi. Cocotina, pelote, totatique, culotte, montre-moi ton poil carotte. L'amoureux fou comme petit roux, les comme un fou. Et puis profite du soleil en se tirant l'auto du copain, il s'agigote les culs et seins. Pendant que ça frotte ta belle main, il s'agigote les culs et seins, ça bronze autour du maillot de bain. Le printemps et c'est l'été, de peigner les lilas en fleurs, nous sont toutes pleines des douleurs. Ça se promène parmi les rues, les trottoirs et les filles au nu, ça se mélange les senteurs. Les peigner les lilas en fleurs, les filles fraîches et en sueur. Ça se mélange les senteurs, les petites culottes, c'est le bonheur. C'est le printemps et c'est l'été, il sera dur d'être fidèle, sera si les filles sont si belles. D'ailleurs je ne le saurais pas, alors pourquoi se casser la tête, la vie est une grande fête. Le soleil est si généreux pour ceux qui n'ont pas de travail, mais fait pour les autres qu'ils braillent. C'è la primavera, c'è l'estate, le ragazze sono svestite. Ah, la cicciolina bella, ah, la bella cicciolina. C'est le printemps et c'est l'été, tu viens de me téléphoner, tu es loin, mon cœur est brisé. C'est le printemps et c'est l'été, tu viens de me téléphoner, tu es loin, mon cœur est brisé. Il nous insulte? Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là! Dave, c'est une terreur! Ouais, ouais! Dave, c'est un tueur! Dave, il est magané! Le conduit de partie! même présentement. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie. On va maintenant parler de boxe. C'était le combat Lucien Bouté contre Brian Maggi cette fin de semaine. Et messieurs? Easy. Facile. Oh! Quoi dire? Pas facile, mais une journée au bureau. Une petite journée au travail, comme ça. Ça était, passera pas à l'histoire. Non. Mais on s'attendait pas à ce que ça passe à l'histoire non plus. Donc, on l'a dit la semaine passée, Lucien Bouté qui est vraiment victime du Super Six. Mm. Et en plus, là, de la blessure à Kessler. Donc, il y a rien à attendre. Il y avait rien à attendre de ce combat-là. Outre de voir à quel point Bouté était en forme et prêt pour un combat qui, en fait, ça avait déjà gagné à l'avance. Et que Megui encaisse les coups aussi. C'est un Irlandais, hein, son tough, ces gars-là. Mickey Ward, on a juste à penser à Mickey Ward, là, qui était un punching bag ou presque. Mais comme je dis, il n'y a pas grand-chose à dire. On s'attendait à une victoire facile, ça a été une victoire facile. On continue notre chemin là, du côté de Bouté et honnêtement, j'aurais aimé ça que le combat de Renan Saint-Just ait lieu, parce que je pense que ça aurait été plus intéressant de voir Renan à l'œuvre. Parce que il est une force montante là, du côté de la boxe québécoise. Et là, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc j'ai rien d'autre à dire sur ce combat-là. Même les combats en sous-carte ont été des walk in the park. Ouais. Donc vraiment. Ça n'a pas été une grande carte de boxe là, du côté d'Interbox. Non, c'est pas un gala qui va passer. Non, en effet. Je me sens mal pour les gens qui ont payé gros prix pour avoir des billets pour ça, là. Oui, pour avoir des billets sur place, oui. Ouais. Oui, ça devait être assez... ouais. Parce que... Mais là, justement, t'en parlais, là, Michael Kessler qui se pointe de plus en plus dans le paysage. Il était justement à Montréal. Pas pour voir Lucien, par contre. Il était là pour voir Renan Saint-Just qui, comme tu viens de le dire, ne s'est pas battu. Oui, mais non. Tu me suis-tu? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Ça vend, là. C'est comme la lutte, hein. Si le gars il est dans la place. C'est identique. Si le gars est dans la place, il vient brasser ça un peu. Là, l'autre, il. Te souviens-tu. Mon Dieu, hein, ça commence fort une argumentation. Vous souvenez-vous le combat de Brock Lesnar en Ultimate Fighting cette année ou l'an dernier? Ou Undertaker? Était présent aux abords du passage. Ouais, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la lutte. Pour ceux qui ne connaissent pas la lutte, Undertaker reste une référence. Tant mieux pour vous, mais ceux qui ont eu la malédiction de connaître la lutte et d'y adhérer, on a bâti un peu là, un, un petit spectacle là, ouais, ben, à ce niveau-là. Lesnar qui est passé sur le bord et Undertaker était là, il lui a dit deux, trois mots. C'était un peu bizarre parce que j'étais là, pourquoi? Puis... Ah, parce que c'était écrit dans le script. Je veux dire, c'est scripté. Ben ça devait pas être très scripté tant que ça parce que Lesnar venait quand même de perdre là, venait de perdre sa ceinture, ouais. Venait de manger une volée assez solide, merci. Donc j'ai l'impression qu'Undertaker, l'homme de son prénom Mark Calloway, a décidé de vendre un peu de billets à travers tout ça là, de se faire voir un petit peu. C'est correct, là. C'est une manière intéressante de faire ça, mais c'est quand même drôle qu'il y avait une entrevue directement à la télévision à ce moment-là. Donc, c'est pas mal ça. Hey, monsieur, là, il reste quelques minutes avant la pause. Là, on va parler du Red Bull Crash Test. Avez-vous écouté l'événement? Oui. Non. Oui. Non? Travailler. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est un sport? Oui. Ouais? Oui. Ben, ça prend certainement des aptitudes physiques pour faire. Mais par contre, on voit des très bons patineurs qui ne réussissent pas. C'est un sport en essence. C'est-à-dire que évidemment là, c'est tout jeune, ça commence, il y a pas beaucoup d'endroits, il y a énormément beaucoup de gens qui se déplacent. C'est assurément un événement. Est-ce que c'est un sport? Pour l'instant, je dirais pas encore, mais on va le voir avec dès l'an prochain. On commence la saison officielle, donc il va y avoir plusieurs courses. Là, je ne sais pas exactement combien. Cette année, on en avait 4. On était un peu en try-out, si on veut, en démonstration. En saison de chauffe, en tour de chauffe. Et puis, à partir de l'an prochain, on va voir vraiment une saison plus complète. Donc, on va probablement là avoir beaucoup plus de ressemblance à un sport. Et assurément, ça rentre dans la grande catégorie des sports extrêmes. Oui, mais c'est vraiment pour ce qui est d'un la sport seule place que je peux le classer. C'est ça. Donc, mais les sports extrêmes sont des sports au même titre que n'importe quel autre. Là. Donc, mais oui, je mais pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est une démonstration puis que c'est un événement. C'est ça. Moi aussi, je suis beaucoup plus... je penche beaucoup plus vers la démonstration parce que t'as pas de ligue de crash test mineur. T'as pas. Il n'y a pas personne qui pratique dans une côte en quelque part. C'est pas ton plus gros argument. Là. Non. T'sais, ça fait 4 ans qu'ils en font. Là. Laisse-le le temps. À un moment donné, ça va se développer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ça va arriver un jour. Tu peux pas développer ça. Ça prend des installations aussi. Des installations que ça prend. Là. Tu peux pas arriver. Faut pas sous-estimer Red Bull, les gars. Et regardez les compétitions de démonstration aérienne d'avion. On riait de ça il y a 10 ans. Pis on disait que ça avait pas d'allure. Pis que ça marcherait pas. Est-ce que c'est un sport aussi ou c'est un événement? C'est plus un spectacle aérien qu'un sport, tout comme le Red Bull Crash Test est un spectacle de patins. Ce que je dis, Philippe, c'est que ça peut pas sortir des cadres de l'événement. Ah ben non, mais la F1 non plus. T'sais, la F1 aussi, c'est un événement tour à tour. Non, parce que ça reste de la course automobile. Oh, mais ça reste de la course en patin, ça reste de la course en avion. Le sport de la course automobile, du sport du karting, tu montes. Tandis que le Red Bull Crash Test, tu peux pas monter dans les échelons. Pas encore. Mais je pense pas qu'il va y avoir d'échelons. C'est à la limite, tu t'entraînes tout ça, mais tes seules compétitions vont être sur le circuit. Je veux dire, pas de circuits régionaux qui vont apparaître là puis là. Est-ce que ça, c'est vraiment un point déterminant sur le fait que quelque chose est un sport ou ne l'est pas? Non. Mettons, on va s'entendre pour dire que c'est un événement sportif d'abord? Ouais, bon. Extrême. Événement sportif extrême. Ce qui ne le déprécie aucunement, selon moi. Là. Non, je ne déprécie pas, absolument pas l'événement. C'est la signature de Red Bull que à peu près tous ces événements, sauf dans peut-être la course automobile, qui ont des commanditaires, mais sinon, c'est des événements extrêmes. Ils ont des sports extrêmes. Il y a le plongeon de falaise si tu veux vraiment tomber dans les juniors, là, il y a des juniors dans le plongeon de falaise. Tu peux monter en grade dans le plongeon de falaise. Moi, ce que je m'en dis, c'est qu'il y a des sports extrêmes qui sont commandités par Red Bull énormément et qui ont des saisons. Des snowboards, t'as des saisons en snowboard, là. C'est Rockstar qui... Ils sont tous commandités, ils vont chercher Motocross, il y a des gars qui sont commandités par Red Bull. Eric Gay en cross ski est commandité par Red Bull. Ouais, mais là, on parle de des commandites, mais quand on parle de l'événement, se nomme Red Bull quelque chose. Ouais. Là, on parle, je pense, d'événement. Red Bull a une équipe de hockey, Red Bull a une équipe de soccer. J'étais étonné que tu ne l'aies pas amené avant. Non, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Red Bull commandite à peu près tout ce qui peut exister. La tangente spéciale, par contre, la façon spéciale que c'est faite du côté du crash test, c'est vraiment que ça, à mon avis, ça peut pas sortir du cadre de l'événement. Mais quel événement! Par contre, encore une fois, cette année, les images qui sortaient de la ville de Québec c'est le Big Daddy of them all, là, du Crash Test. Là, tu parlais qu'il y avait de saison. J'aurais aimé ça trouver l'information sur comment de course il va avoir l'an prochain. J'imagine que ça va encore se finir à Québec parce que je doute qu'il y ait autant de monde que ça, là, dans les autres places, là, à Munich ou à Moscou. Les images qu'on a pu voir cette année étaient tout simplement magnifiques. Et je suis content de voir que du côté de Québec, ça se continue. Malgré quelques chialeux. Ouais, quelques résidents. Quelques résidents chialeux qui sont pas ça, foutus. Il y en aura toujours. Ouais, qui sont pas foutus de voir le pourcentage puis qui vont dire, ouais, mais il y a beaucoup de désagréments. Hey, s'il te plaît. Veux-tu bien pendant une semaine te taire? Ouais, mais non, mais il y a tout plein d'événements. Peu importe le nombre de, et je suis rarement d'accord avec Régis Labombe, là, mais peu importe le nombre de désagréments potentiels que ça peut causer à la ville, il y a aucune valeur suffisante pour enlever l'image que ça peut donner à l'international, un événement comme ça. On a vu le Château Frontenac combien de fois là, pendant l'événement? Environ, facile, une cinquantaine de fois. C'est magnifique, c'était sublime, il y avait des gens partout. Ça donne le goût d'aller à Québec. Déjà que Québec est placé comme étant la ville la plus attrayante en hiver pour le voyagement de luxe. En plus, t'as ça qui démontre encore plus à l'étranger. Il y a pas de désagrément suffisant pour la valeur de l'attrait touristique que ça peut avoir un événement comme ça. De toute façon, pour ces gens-là, écoute, t'es installé dans le Vieux-Québec. Si tu voulais pas être dérangé, là, Saint-Augustin-des-Meules... De toute façon, si t'as assez d'argent pour te payer un appartement dans le Vieux-Québec, t'as assez d'argent pour te payer un appart ailleurs. Ouais. Va ailleurs, stand-by pendant une semaine, t'achètes-moi pas. Saint-Augustin, tu vas être super calme, tu sais, ou... Stoneham, si tu veux, là. Tu vas être calme à Stoneham. Prends-toi un petit chalet sur la montagne, tu vas voir, tu vas être calme. Ouais, oh, mais là, je suis plus à Québec. Gars, fais ton choix, là. Mais c'est pas le problème de la ville. La ville, sa job, c'est d'organiser des événements. Si tu veux être calme, va vivre ailleurs, tout simplement. La campagne, c'est très, très calme. On s'en va à une pause. Au retour, JP Grenier se joint à nous. On va tout d'abord voir les nouvelles, bien sûr, mais au retour, il se joint à nous. On va parler du March Madness. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. À l'UQTR, c'est tout dans vos oreilles. .com, chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHMQ, les Cataracs rendaient visite aux Huskies de Rouyn-Noranda. La partie s'est soldée par un pointage de 6-4 en faveur de Shawinigan. Les Cataracs terminent donc la saison régulière au 7e rang et affronteront au premier tour des séries le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Pour leur part, les Sea Dogs de Saint-Jean ont reçu la visite du Rocket hier et ce n'est pas l'Île-du-Prince-Édouard qui va venir terner l'affiche de Saint-Jean à domicile. La partie se termine par un pointage de 7-2, ce qui permet aux Sea Dogs de devenir la première équipe de l'histoire à ne pas subir une seule défaite en temps réglementaire à la maison. Toujours dans la LHMQ, l'allié gauche des Voltigeurs de Drummondville, Mathieu Gertin, est suspendu pour 3 matchs après avoir donné une mise en échec par derrière lors de la partie de vendredi face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Au hockey de la Ligue nationale, maintenant, le Canadien s'est amusé sur le terrain de jeu du Wild hier à Minnesota. La partie s'est terminée 8-1 en faveur des hommes de Jacques Martin. Piquet Subban a inscrit 3 buts dans la rencontre pour devenir le premier défenseur recrue de l'histoire du Canadien à compléter un tour du chapeau. Dans la victoire, Ryan White a aussi inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale. Dans le dossier des coups à la tête, Mark Cook a encore fait parler de lui hier alors qu'il a donné un coup de coude à la tête du joueur des Rangers de New York, Ryan McDonagh. Cook a écopé d'une inconduite de partie sur le jeu et devra peut-être subir une suspension. Les Rangers ont profité de l'indiscipline des Pingouins pour aller chercher la victoire par la marque de 5-2. Au tennis maintenant, c'était la finale du Masters d'Indian Wells hier qui opposait Novak Djokovic à Rafael Nadal. C'est finalement après 3 manches de 4-6, 6-3 et 6-2 que Djokovic remporte le Masters et conserve ainsi sa fiche parfaite cette saison. En sport de glisse maintenant, l'équipe canadienne a bien fait eux hier qui étaient en action en Norvège pour la compétition de boss en parallèle. Jennifer Hayes et Michael Kingsbury ont gagné l'argent tandis qu'Alexandre Bilodeau et Justine Dufour-Lapointe ont mérité la bronze. Jennifer Hayes termine donc sa carrière sur un podium. Au sport universitaire maintenant, les Patriots soccer masculin étaient en demi-finale hier contre l'Université McGill. On a dû se rendre jusqu'en prolongation pour voir l'UQTR se tirer avec la victoire par la marque de 3-2. Les Patriots se rendent donc en finale et affronteront l'UQAM dimanche prochain à 15h30 au centre Alphonse Desjardins. Voilà, c'était vos informations de l'inconduite de partie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. On est revenu un peu dans le passé. Mes tunes anglophones ce matin, je suis dans le passé. Je suis dans mes jeunes années. On verra ce qu'on pourra avoir vendredi. J'irai avec du un peu plus récent. Il se joint à nous de Sherbrooke, M. JP Grenier. Ça va bien, JP? Ça va bien, vous? Ben, toujours, oui. Toujours. All right. Oui. JP? Oui. March Madness? Oui. La première fin de semaine est terminée. On a passé à travers deux rondes. On s'approche du Elite 16. Sweet 16, Elite 8, bien sûr. Surprise, écoute, résume-nous les activités de la fin de semaine. Là. Ouf, ça n'a pas été une fin de semaine facile à prédire, là. Beaucoup de surprises. On a eu droit à du très grand spectacle, là, les activités qui se mettent en branle jeudi passé. Écoute, il y a déjà trois rondes de passé, il en reste trois autres, donc on a du bas, très bon basketball. Veux-tu y aller avec les grosses surprises? Ouais, si, je pense que c'est ce qui retient le plus l'attention, là. Ben, je pense qu'une des équipes qui retient le plus l'attention, encore une fois, cette année, c'est Butler. Eux qui ont sorti, là, les Panthers de Pittsburgh en deuxième ronde, là. Ouais, c'est ça. Écoute, il y a personne qui s'attendait à ce que l'équipe répète ce qu'ils ont fait l'an passé en se rendant au Final Four, là, avec beaucoup de joueurs de changer, beaucoup de joueurs qui sont partis. Des nouveaux joueurs qui amènent encore de l'énergie. Donc, les Bulldogs qui ont très bien fait pour sortir l'équipe classée numéro 1 dans leur conférence, c'est-à-dire Pittsburgh, avec un score de 71-70. Donc, un match qui était serré jusqu'à la toute fin. Comme plusieurs matchs en fin de semaine, là, on a eu droit à des matchs d'un point, là, un par-dessus l'autre, ça n'arrêtait plus. Là. Exactement. Puis, une autre équipe qui fait mention d'honneur, c'est Richmond, là, qui était classé 12e. Dans la Southwest Conference, donc eux qui ont affronté Vanderbilt au cinquième rang, ils ont battu par 3 points. Ils ont ensuite affronté Morehead State, qui ont constitué eux autres aussi une surprise contre Louisville. Finalement, là, on se rend contre Kansas. Ça va être le 25 mars, donc vendredi prochain. Donc encore là, Richmond, est-ce qu'ils vont causer la grande surprise? Kansas qui est favori pour gagner le titre par la plupart là, des experts ainsi que des amateurs. Donc, Qui sont mes champions là, selon ma braquette. La mienne aussi. Donc à ce niveau-là, les braquettes, ça va assez mal pour la plupart, dont la mienne. T'es-tu officiellement busté ou? Non, mes deux finalistes, contrairement à Philippe, sont encore là. Donc, ouais, mais contrairement à Philippe, t'es pas en tête du classement non plus. Non, exactement, sauf que là, ça va changer très bientôt selon moi, puisque les money games s'en viennent. Ouais, les matchs qui sont payants s'en viennent. C'est pas les matchs d'un point de première ronde, moi, qui m'intéresse. Je pourrais dire que j'aurais été là jusqu'au demi-finale. Ah ouais, c'est ça. Mais félicitations à Philippe, par exemple, qui a mis Marquette au Sweet 16. Ouais. Je suis fier de toi. Merci, c'est gentil. C'est les Eagles qui ont surpris tout le monde. Puis même encore, ils ont sorti Syracuse, là, qui pour les Orange sont une deuxième sortie de suite très rapidement. Mais Philippe a réfléchi longtemps à ses choix. Ouais. Écoute, que j'étais très content lorsque j'ai appris que son équipe Notre-Dame s'est faite sortir par le State. Là, je me dis... il est locker, sauf pas à ce point-là. Donc, je bouillais dans mon salon. Écoute, parce que là, c'est ce qui va te coûter cher pour tous ceux qui font des pots. C'est-à-dire que tu avais prédit Notre-Dame en finale. En finale nationale. Oui. Même, je pense que tu mettais gagnant jusqu'à temps que je te dise de pas le faire. Non. J'ai toujours mis Dieu. Les nerfs, le mérite, toi, matin. je me lève pas en t'appelant pour savoir qu'est-ce que je mange en déjeunant. Là. Mais tu avais mis Notre-Dame jusqu'à la finale. Et là, ils se sont fait sortir hier. Et assez facilement. Par Florida State, les Seminoles qui ont été du coup de Tomahawk. C'est décevant. 71-57, Notre-Dame qui a même pas été dans le coup. C'est très, très, très décevant. D'ailleurs, cette braquette-là, là, Southwest, qui est... La mienne est complètement... Écoute, 10-11-12 là, qui est dans le Sweet 16, là, c'est quand même assez c'est bizarre. On va dire, il ne me reste qu'une seule équipe Kansas. De cette braquette-là, c'est Kansas. Donc, on va espérer qu'il gagne jusqu'à la fin, sinon on est fait. Oui, dans mon cas et dans le cas de plusieurs personnes. Par contre, je reviens à ma braquette, là. Wisconsin qui va très bien. Là, ils vont affronter Butler. On est maintenant dans la Sud-Est. Je pense que Wisconsin, avec cette victoire-là, on a des chances de se rendre beaucoup plus loin, là. Exactement, avec Pittsburgh qui est hors du portrait, qui constitue peut-être leur plus grand défi. Sinon, les Bulldogs Butler, l'an passant aussi, c'était la grande surprise. Est-ce qu'ils vont répéter les exploits? On a de très bonnes équipes aussi dans cette conférence-là, comme BYU avec Jimmer Fredette, qui est, ma foi, probablement le meilleur joueur de ce tournoi-là cette année. Moi, il m'impressionne fortement. BYU, là, qui je les ai mis en demi-finale. Donc, eux qui rencontrent Florida, qui me surprennent. Je pensais pas les voir là. Très bonne équipe défensive. Là, c'est du jeu hermétique, comme c'est un peu les Devils là, du basketball, selon moi. Puis Florida, qui, on sait, ont déjà gagné des gros matchs par le passé. Donc, ce n'est pas une équipe de choker comme par exemple Ohio State qui détruit à peu près tout, sauf qu'il arrive des matchs importants puis il livre pas la marchandise. Donc. Là, tu parles d'Ohio State, ils vont maintenant affronter Kentucky. Ohio State, bon, leur parcours durant la fin de semaine, ont tout d'abord vaincu UTSA. Ensuite, se sont retrouvés contre George Mason. George Mason, qui toutes les années est un peu l'équipe Cendrillon, réussit de peine et de misère à se classer à chaque année, puis finalement elle remporte quelques victoires ils font des surprises dans le fond, puis c'est encore arrivé cette année en battant Villanova. Moi, je pensais que Villanova allait aller plus loin que ça. Finalement, ils ont battu, sauf que ils se sont rendus compte qu'Ohio State, c'est toute une machine de basketball. Frapper un mur, là. Exactement, 98-66, donc ils n'ont jamais été dans le coup. Puis dans l'Est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment là, toutes les meilleures équipes ont passé, donc on va vraiment avoir du basketball de qualité à ce niveau-là. Sauf Marquette. Sauf Marquette, oui, on va le dire. Okay. Merci. OK, pas de problème, Philippe. Faut bien que tu aies du mérite quand même d'avoir pris au hasard des équipes. Non, mais le hasard fait si bien les choses. Ouais, hein, J'aurais peut-être dû écouter ça. Là, mais c'est la fête à Philippe, donc on va y laisser. Ouais. On va y donner du crédit où est-ce qu'il n'y en a pas. Non, mais ma raquette de l'Est est parfaite à date. Là. Ah, ben, écoute, ben parfaite. À part George Mason puis Washington, mais je veux dire. Ton Sweet 16 est intact. Oui. Ben là, Ohio State va maintenant rencontrer Kentucky. Est-ce que tu parlais que Ohio State sont reconnus pour choker? Est-ce que ça se passe là, le choke, ou c'est plus loin? Je pense que ça va être plus loin. Écoute, ils jouent du basketball inspiré, faut l'avouer. leur combinaison de garde de pointe avec leur centre qui est, selon moi, la clé de leur jeu. Leur centre qui est imposant, proche du panier, il est pas arrêtable. Donc, Ohio State, moi, je les ai mis dans mon Final Four. Donc, c'est sûr que j'espère la victoire. Une équipe qui m'a particulièrement déçu, c'est North Carolina là, dans cette division-là. Ça a tout pris pour battre Washington. Puis même Long Island, on en parlait la semaine passée, Long Island qui était classé 15e, puis après la deux premières demi, c'était égal. Là, donc, ils ont gagné 102 à 87, oui, sauf qu'ils ont quand même accordé 87 points contre une équipe qui était classée 15e, puis qu'ils ont fait le tournoi de peine et de misère à ce niveau-là, puis ils ont battu de peine et de misère aussi Washington, qui formait quand même une bonne équipe. Accordé donc, 83 points aussi contre Washington. Exactement, donc la défensive qui est pas mal le point d'interrogation à date pour les Tar Heels, qui sont dirigés par Roy Williams, là, un entraîneur de quand même assez d'expérience dans la ligue, donc... Écoute, North Carolina, je les ai mis loin. Est-ce que je commence à le regretter? Avec le jeu que Marquette nous ont démontré hier contre Syracuse, je commence à avoir peur un peu. Donc, non, je pense qu'on va avoir droit à un duel Ohio State-North Carolina. Sauf qu'il va falloir que les Tar Heels améliorent fortement leur défensive s'ils veulent se rendre jusqu'au bout. Ils ont une semaine pour le faire, même pas. Oui, exactement. Parce puis, que le match est le 25 à 7h15. Puis du côté de l'Ouest, un autre de mon... Dans le fond, c'est pas mal ma conférence qui va le mieux. Moi aussi, j'aime ça. Étonnamment, peut-être, parce que, écoute, il y a eu quelques surprises. J'ai quand même pris des grands risques, là. Le seul qui m'ont coûté de quoi, c'est Michigan, qui l'ont emporté contre Tennessee, qui les ont détruits carrément, là, 75 à 45. Très bonne performance, donc, là, pour mes Wolverines. Exactement, tes Wolverines, Nicolas, qui jouent du basketball inspiré. Malheureusement, ça n'a pas pu... se concrétiser contre Duke qui ont perdu partiellement 2 points, par exemple. Défaite honnête là, du côté des Wolverines, parce que Duke, honnêtement, j'ai Duke moi en finale, donc on a bien performé là, du côté des Wolverines, mais Duke, là, c'est la machine de Coach K. Exactement, puis un match que j'aimerais ça revenir aussi, Arizona contre Texas, hier, on en parlait un peu, c'est ridicule, là, Texas qui... avec 10 secondes à jouer, menait par 2 points. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en gros, on voulait remettre le ballon en jeu. Le joueur a 5 secondes pour remettre le ballon en jeu. Il a écoulé ces secondes-là sans même le savoir. Il niaisait un peu. Arizona a repris le ballon avec 10 secondes à jouer. Ils ont envoyé ça à leur joueur qui a mis un panier en mettant en même temps d'avoir une faute défensive de l'autre équipe. Donc, a pu compléter son 3 points avec le lancer franc. Ouf, qu'il devait avoir de la pression. J'aurais pas aimé ça être à sa place. Finalement, il a été très très bon sous la pression, un bon sang-froid. Puis Arizona l'ont emporté par 1 point. Donc, il y a un joueur qui a pas dû dormir de la nuit hier de Texas. Là, quelle erreur, je me disais. C'est quasiment du Chris Webber avec Wolverine, ouais. Michigan, dans les années 80. Pouce égal, là. Chris Webber, c'était pire. C'était pire parce que c'était au Final Four. C'était en grande finale. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, Chris Webber, le jeu, et on le voit souvent à 30 images secondes en plus. La remise, il commence à courir, marche clairement avec la balle. Ce n'est pas appelé par les arbitres. Rentre en zone. C'était contre les Tar Heels, si je me trompe pas, qui lui met de la pression et il demande un temps d'arrêt. Ouais, c'est ça. T'as plus de temps d'arrêt. Donc, c'est une faute. Mm-hmm. Donc, tu perds la possession de la balle. Et le Fab Five, comme on les appelait, a été défait par les Tar Heels en finale. C'était les bonnes années des Wolverines. Mm-hmm. Fait longtemps que... Ben là, State est un peu mieux, mais avec ce qu'on a vu de Michigan State cette année, ça non plus, c'est pas fameux, là. Ben, Michigan State, qui avait réussi à aller dans les Final Four dans 3 des 4 derniers, si je me trompe pas. Donc, une grosse réception cette année, malgré qu'il n'était pas classé vraiment haut. Eux qui jouaient très mal depuis une dizaine de matchs, là, donc ils se sont vite fait éliminer par UCLA. Michigan State, ce qui est décevant dans leur cas, c'est qu'il y avait beaucoup de partants qui revenaient de l'an passé, donc l'expérience accumulée, ça n'a pas eu un grand rôle à jouer, on va dire. Donc écoute, j'ai vraiment hâte d'avoir ça vendredi. Malheureusement, je pourrais pas être là, mais je vais suivre ça attentivement. Autant dans mes classes que le soir en venant chez nous. Bon, on va aguisser un mot de toute façon dans l'émission vendredi, même si t'es pas là, parce qu'il va y avoir eu des matchs qui vont s'être disputés le 24 mars. C'est-à-dire, BYU va affronter Floride, Connecticut va affronter San Diego State, Duke va affronter Arizona le 24, Et c'est ce qui conclut les matchs pour le 24, tout comme Butler et Wisconsin, désolé, il me manquait ça. Donc, les matchs de la conférence ouest et de la conférence sud-est vont se dérouler jeudi, alors que les matchs de l'est et de la sud-ouest vont se dérouler vendredi. JP, pour le reste de la conférence ouest, là, la logique est respectée jusqu'à présent. Là, Connecticut va affronter San Diego State, des victoires assez faciles pour Connecticut et San Diego State dans la deuxième ronde. San Diego State, par exemple, ça n'a pas été si facile que ça. Ah non? OK. Sont allés en double prolongation contre Temple. On a ouvert la machine en deuxième ronde, en deuxième prolongation, dans le fond. On n'a pas eu le choix. Temple, qui ont pas surpris Penn State, sauf que moi, je les mettais Penn State plus loin que ça. Temple, qui ont très bien joué. San Diego State, qui en ont eu plein les bras tout au long du match, ça a été égal. On a dû aller en double prolongation, donc... Malheureusement pour eux, leur histoire s'est terminée de cette façon, mais San Diego State, beaucoup de points d'interrogation. Même, je pense que Connecticut, leurs futurs adversaires, pourraient l'emporter. Moi, c'est ce que j'ai prédit. Mm-hmm. Encore là, mes prédictions cette année ne sont pas très bonnes. Non, ça va être bon, ça va être bon, ça, JP. Tu penses? Tu as mis ça, là? J'ai mis ça, moi aussi. Okay. On va être bon. J'ai pas compris, vous avez favorisé Connecticut? Oui. Bon, on est trois. Non, ben, on est trois. C'est pas loin. C'est pour ça que je suis pas inquiet, en fait. C'est que même si mes choix passent pas pour la suite des choses, vous avez choisi la même affaire que moi, donc vous êtes sûr de pas me dépasser. Non, mais c'est ton Notre-Dame qui va te faire ouais, peur. Ouais, mais non. Tu vas voir. tu vas voir. Et dans l'autre finale, match là qui va se dérouler jeudi, Duke contre Arizona, je pense qu'on y a tous été avec Duke dans ce cas-ci. Mais ça devrait être ça, normalement, mais les Wildcats là, disputent du très bon de basketball présentement. Là, donc... Si c'est pas ça, je pleure vraiment toutes les larmes de mon corps parce que j'aurais été absolument défait jusqu'à la fin. C'est ça qui est la magie. La magie du Final Four, du Final Four de March Madness, c'est que en se déroulant sur trois semaines, ce tournoi-là, trois semaines et demie même là. T'as la progression à travers les semaines. Donc là, ce matin, dans tous les bureaux aux États-Unis, sur le bord de la machine à café, ça parle de basketball, ça va en parler jusqu'à jeudi, parce que là, on parle des matchs de fin de semaine, puis là, mercredi, on va se mettre à parler des matchs de demain soir, jeudi, on parle des matchs du soir, le lendemain, on parle des matchs de la veille, plus des matchs du soir, puis c'est un tournoi qui est très étendu, comme je dis, trois semaines et demie, parce que la finale, t'as-tu la finale par cœur? Le 4 avril, donc j'en déduis que c'est un lundi d'habitude, là. Le 4 avril exactement, souvent on va disputer les finales de la NCAA au basketball et au football le lundi. Et c'est long, mais c'est pas grave parce que l'excitation puis toute l'attention qu'on donne à ça reste en vie durant la semaine où est-ce qu'il n'y a pas de match. Ça reste des étudiants, ils doivent retourner étudier là. Ils doivent pas étudier fort là, mais en tout cas soyons réalistes là, je pense pas que les équipes qui sont encore en jeu, les joueurs d'Ohio State vont retourner à leur université puis vont se mettre la tête dans les livres pour deux jours. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JP? Ben moi, en tout cas, je ferais pas ça à leur place, mais juste pour vous montrer un peu l'ampleur du tournoi là, c'est 5,6 millions de brackets qui était officiellement enregistré sur Yahoo Sports la semaine passée là. Dans le fond, on avait jusqu'au 17 pour s'inscrire au premier match, donc 5,6 millions, ça fait du stock à gérer. Il n'y en a aucune qui est parfaite. Exactement. Non, c'est impossible. En ce moment, messieurs, là, sur 6,6 millions, je suis 9377e. Je vous dis ça comme ça, là, à tout hasard. J'ai subi une baisse hier de 1616 places, par exemple. J'en ai déjà parlé que j'ai été huitième, moi, après la première ronde, j'étais huitième avec toute bonne sauf une. Mais je pense pas que ça va réarriver une fois dans ma vie. JP, merci beaucoup de t'être joint à nous. Ça pas trop, les boys. Passe une bonne semaine. On s'en reparle lundi prochain. Salut. C'est bon, salut. JP. Donc c'est ce qui conclut plutôt l'inconduite de partie. J'ai une petite nouvelle rapide du côté d'Ottawa. Brian Murray devrait faire une annonce majeure à 11h. C'est ce qu'on annonce là, sur les fils de presse. Pourtant, on avait bien dit qu'on ne congédierait personne là, du côté des... On parle soit d'un contrat Anderson ou peut-être du retour de Alfredson. Ah, mais pas de retour des Renegades d'Ottawa. Non, c'est ça. Dommage. On se laisse avec Xavier Caféine, l'Amérique. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Bonne semaine, tout le monde.